chapitre 34e, maudit et béni. Riri passa une nuit atroce. Un sommeil lourd, plus fatigant qu'une nuit de veille, s'empara d'elle, l'atteint dans une sorte de torpeur coupée de cauchemars atroces, de frayeurs épouvantables. Cependant, au matin, elle s'était ressaisie, sa petite âme courageuse avait repris le dessus, et si elle pleurait en pensant à sa mère, à sa sœur, à la douloureuse nuit que dans le misérable logis là-bas on avait dû passer, du moins maintenant recouvrait-elle ses forces, son intelligence, et s'apprêtait-elle à se défendre. Elle se renseigna auprès des infirmières, des gardiens, apprenant que pour subir l'interrogatoire elle devait être munie d'un défenseur, assistée d'un avocat, elle en fut contente. Elle demanda un bleu et envoya une dépêche à maître Raoul Montreuil, avocat, se recommandant de M. André Girardet. Riri avait été transportée, peu après son arrivée au dépôt, à l'infirmerie spéciale, en attendant qu'après interrogatoire, on signât son ordre de transfert à Saint-Lazare. Son télégramme n'était parti que depuis peu, quand on lui annonça un visiteur. Riri, surprise, ne pouvait croire que son bleu avait été remis déjà, et que maître Montreuil accourait. Elle s'imagina alors que probablement à l'atelier on avait reconnu son innocence et qu'on venait la chercher. Elle craignit en même temps la visite d'un voisin qui lui annoncerait un malheur survenu chez elle cette nuit. Elle n'osait espérer que déjà ceux qui s'intéressaient à elle, Madame Laurent, M. André Girardet peut-être, ayant appris son arrestation injuste, lui envoyaient quelqu'un pour la seconder, l'encourager dans cette nouvelle épreuve, la sauver. Comme toutes ces suppositions auxquelles elle ne pouvait longtemps s'arrêter roulaient dans sa tête, on introduisit le visiteur. Aussitôt, Riri affolée, indignée, s'écria « Vous, vous ici ?» C'était le comte de la Guérinière. On avait fait passer Riri dans une des salles où les avocats communiquent avec leurs clients. Le mobilier de cette pièce se composait d'une table, d'un banc et d'une chaise en paille grossière. À la vue du comte, Riri, qui se tenait assise devant la table, se leva, se tint sur la défensive. Le comte de la Guérinière entra, prenant l'air le plus doux, le plus affable. « Mademoiselle, dit-il de la porte, j'ai appris l'affreux malheur qui vous frappe. Je ne peux croire à votre culpabilité. Je viens vous offrir mon aide, vous prier d'agréer mon concours pour faire éclater votre innocence. » Riri le laissa parler. « Vous êtes seul au monde, sans appui, sans répondant, sans défenseur. Vous êtes une victime et, fatalement, le sort peu favorable aux faibles s'appesantira lourdement sur vous. « Non, monsieur, répondit Riri. « Le sort m'accable en ce moment, c'est possible, mais j'ai mon droit pour moi, et j'ai un protecteur puissant, la justice elle-même. « Évidemment, mais ce sera long, très long, et vous ne pouvez demeurer ici, loin de ceux qui se meurent là-bas d'anxiété. « Ma sœur, fit Riri, ma pauvre mère, oui. « Alors j'ai pris sur moi de venir vous trouver en ami, en défenseur. « Je suis riche, je suis puissant, j'ai le moyen. De vous faire rendre la liberté, je viens vous demander de m'accorder cette grâce, d'user de mon crédit en votre faveur. Je refuse. On m'a conduit ici, m'accusant de vol. Mon vol a été prouvé par suite de je ne sais quelle infâme machination. J'entends ne sortir d'ici que lorsque la justice aura reconnu l'erreur de l'accusation, lorsque mon innocence, ma loyauté seront proclamées. J'entends sortir d'ici non par faveur, mais par mon droit. Et ne m'en aller qu'aux applaudissements de tous les honnêtes gens avec la certitude que ma place sera prise par ceux qui m'ont fait tomber dans cet odieux guet-apens. Mais pendant ce temps, mademoiselle, votre sœur, votre mère... Riri l'arrêta d'un geste. Je suis prête à tous les deuils. Le comte, sur un ton de profonde sympathie, de commisération sentimentale, reprit. Mademoiselle, j'ai à obtenir votre pardon. Laissez-moi le gagner en vous tendant la main. Non, monsieur, inutile. J'ai eu envers vous de grands torts. Je suis coupable et je voudrais réparer. J'ai mal agi envers vous, mais mon excuse est le grand amour, l'infinie passion que j'éprouve pour vous et qui a fait dévier mon intelligence. Mon cœur a affolé mon cerveau et m'a fait commettre un acte que toute ma vie je regretterai. Cet acte, oh, je le reconnais, lâche, misérable, je veux le racheter, je veux que vous l'oubliez. Je veux que vous connaissiez la sincérité de mon âme. Je veux, Riri, ma bien-aimée, que vous me rendiez votre estime. Je veux espérer qu'un jour, vous me tendrez la main, comme à votre meilleur, à votre plus tendre ami, à votre époux dévoué, qui implore maintenant votre pardon. Froidement, Riri répondit, « Je n'avais avant pour vous aucune estime, et, oh, que vous me haïssez. Non, je ne vous hais pas, j'éprouve pour vous le plus absolu mépris. » Le comte fit un pas en avant. « Ne dites pas cela. Je vous en prie, écartez-vous. » « Ne dites pas cela, Riri, vous me déchirez le cœur. » Riri répliqua hautement, fièrement, « Assez, monsieur, je ne vous ai que trop entendu. Retirez-vous, je vous en prie. » « Pas avant que vous ne m'ayez fait entendre un mot d'espoir. » « Non, je vous tiens pour le plus vil, le plus lâche, le plus misérable des hommes. Assez, assez !» Le comte s'avança encore, il pleurait. Riri, en s'écartant de nouveau, se trouva adossé au mur. Le comte ouvrit ses bras pour la prendre. Un mot, Riri, un seul mot de pardon, par pitié, au nom de ce que vous avez de plus cher au monde, un mot de pardon. Arrière, laissez-moi, votre présence m'est odieuse, allez-vous-en, ou j'appelle le gardien pour qu'il vous chasse. Riri, mon adoré, je vous en supplie, non, non, Riri. Comme le comte avançait encore et allait enfin saisir Riri, une main s'abattit sur son épaule. Ah, ça, monsieur! Fit une voix forte et vibrante. « Vous ne comprenez donc pas? Les mots sont clairs, cependant. Votre présence est odieuse. Retirez-vous. » Le comte se retourna vivement et demeura stupéfait. « Raoul Montreuil ? » fit-il. Mais Riri, délivrée, courut à Raoul. « Vous ! Oh, vous ! » s'écria-t-elle avec joie. « Vous !» Elle se mit dans ses bras, se serra contre lui. « Défendez-moi, sauvez-moi, arrachez-moi cet homme, à ce misérable. » « Allons, monsieur !» reprit Raoul. « Combien de fois faut-il vous dire de sortir ?»« Mais, monsieur, » balbutia le comte, « voilà la porte !» fit Raoul, le poussant par l'épaule. « Sortez ! De quel droit, enfin ? Mademoiselle Ménardier m'a fait l'honneur de me choisir pour son défenseur. Allons, retirez-vous. Sans autre explication, votre vue nous a tous deux absolument insupportables. Sortez !» Le comte frémissait de rage maintenant. « Cela ne peut se passer comme cela !» Raoul, exaspéré, s'écria. « En voilà assez !» Il appela « Garde, emmenez cet individu !» Le comte s'élança sur Raoul. L'avocat leva la main pour le gifler, mais le comte arrêta cette main en l'air. Maintenant, touchant l'avocat poitrine contre poitrine, il lui dit à mi-voix, les dents serrées de fureur, « Toi, je te tuerai !»« Comme mon père ?» fit l'avocat. La réponse eut un effet magique. Le comte, soudain, lâcha la main de Raoul et recula. Les gardes accoururent, le saisirent par un bras et l'entraînèrent. Alors Raoul tendit la main à Riri. « N'ayez plus peur de ce misérable, il ne vous fera aucun mal maintenant. »« Oh, merci, monsieur. Vous êtes courageux, vous êtes bon, merci. Mais à vous, il peut vous faire du mal, si vous saviez quel homme c'est. »« Rassurez-vous, mademoiselle, cet homme a peut-être fini de nuire. » Puis il ajouta, « Mais je vous emmène. »« Vous m'emmenez. J'ai obtenu votre mise en liberté provisoire, m'étant fait fort de prouver votre innocence. » Vous ne me croyez pas coupable, n'est-ce pas? Vous, voleuse? Oh, il faut avoir l'esprit faussé par le mal, comme l'ont ces gens, pour s'imaginer que la justice peut être aveugle à ce point, et que sur une simple apparence, sur une preuve fantastique, on puisse tenir pour coupable une jeune fille comme vous. Peu après, Riri prenait place à côté de son défenseur, à côté de Raoul. En chemin, avec les plus tendres précautions, le jeune avocat prépara Riri à l'affreuse nouvelle qu'il attendait chez elle. Il fallut bien dire la veille à la mère, qui s'en alarmait, pourquoi ces gens étaient venus dans l'après-midi à la maison avec Rirette. On ne put lui cacher ce qu'ils avaient fait. Marie la Boscotte, accablée de douleur, ne pouvait pas d'ailleurs garder plus longtemps le pénible secret. Son angoisse, ses larmes, la trahissaient. Ce fut alors épouvantable dans cette pauvre demeure, et le drame navrant qui se déroula dans cette misérable chambre dépasse toute description. « Ma fille, accusée, Riri, une voleuse ?» s'écria la malade. « Oh, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai !» La secousse fut tellement forte que Madame Ménardier tomba en syncope. Marie la Bossue ne parvenait pas à lui faire recouvrer ses sens. Elle se désespérait devant l'inutilité de ses efforts, quand heureusement, le docteur Robert apparut. « Oh !» s'écria Marie. « Docteur, venez, venez, maman se meurt !» Le docteur ne fut pas long à voir que Marie ne se trompait pas. Madame Ménardier, épuisée par tant de misère, de douleur, allait, dans quelques instants, enfin trouver le repos éternel. « Mais, » demanda le docteur, « votre mère allait mieux ces jours-ci? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette crise soudaine ?» En deux mots, la Bossue lui apprit le pénible événement. « Comment ? » s'écria le docteur. « Riri, votre sœur, arrêtée, accusée de vol? Mais c'est fou, c'est une infamie, ce n'est pas possible !» Allons, mademoiselle, rassurez-vous, mon frère est avocat. Il va se charger de cette affaire. Un peu de courage. Tout peut s'arranger. Vous allez revoir votre sœur. Allons, aidez-moi à soigner votre mère. » Mais la bossue pleurait, priait sans parvenir à être de quelque secours au docteur. Il fallait à Robert des médicaments, des remèdes qu'il n'avait pas, et en conscience, il ne pouvait envoyer Marie les chercher. Il se disposait à lui-même d'un coup de pied chez le pharmacien quand on frappa à la porte. « Ah ! » fit la bossue avec angoisse. « Qui est-ce encore ? Quel nouveau malheur ? Viens nous trouver ?» Cependant, encouragée par Robert, elle se décida à aller ouvrir. Deux hommes habillés en ouvriers parurent. « Nous venons, dit l'un d'eux, de la part de votre ami Fernand, qui va arriver tout à l'heure après l'atelier, pour vous aider, vous seconder. »« Oui, oui, entrez, mes amis, dit vivement Robert, entrez, vous nous êtes d'un grand secours. » Ils entrèrent, doucement, faisant le moins de bruit possible avec leurs gros souliers dans la chambre de la malade, tenant à la main l'un son chapeau mou, l'autre sa casquette de drap. Le plus grand s'avança vers Robert. « Si vous avez besoin de nous, mon camarade le dégourdi peut aller en course. » Alors Robert lui dit, « C'est bien, mon ami. Alors votre camarade va pouvoir d'un bond me faire deux courses importantes. Tout à votre aise, dit le dégourdi, donnez-moi les commissions. » Robert écrivit rapidement quelques lignes sur les feuilles de son bloc-notes. « Ceci au télégraphe et ceci chez le pharmacien. Revenez vite. Puis ce mot à mon frère. » Il lui donna une pièce d'or et revint à la malade, continuant de lui donner ses soins en attendant le retour de l'ouvrier. Le dégourdi fut leste. Il fit porter les remèdes, puis il s'occupa de la dépêche et du mot de maître Montreuil, avocat. Le télégramme était pour Gabriel, le second de Paulin Broquet. « Bon, fit le dégourdi, occupons-nous d'abord de l'avocat. » Il mit le télégramme dans sa poche et se fit conduire à l'hôtel du banquier Montreuil. Raoul n'était pas encore entré. Alors le dégourdi se rendit à l'appartement que les deux frères occupaient rue des Mathurins. Il ne trouva pas Raoul, mais sachant que tous les soirs l'avocat passait là, il y laissa le mot du docteur Robert, puis il dit au Wattman de le conduire au palais où il avait des chances de rencontrer encore maître Raoul Montreuil. Il les rencontra en effet. Raoul fut, on s'en doute, très ému par la nouvelle que lui donna l'ouvrier. Aussitôt, il fit le nécessaire pour obtenir la mise en liberté provisoire de Riri. Mais il était trop tard pour que cette mesure pût être accordée. D'ailleurs, Riri venait d'être transporté très malade à l'infirmerie, et le médecin de service ne délivrerait pas l'exéate ce soir. Force fut d'attendre au lendemain. Raoul alors remonta avec l'ouvrier chez Madame Ménardier. Il y arriva lorsque la malade, depuis quelques instants, avait repris connaissance. Elle tenait Marie la bossue dans ses bras amaigris, sans force, et la caressait. Marie, à genoux devant le lit, s'appuyait sur la poitrine de sa mère et pleurait. Il y avait dans la chambre Fernand, sa femme, le sculpteur Paul Germaud, qu'on avait prévenu. Lentement, avec une peine infinie, la malade parlait. « Docteur Robert, c'est à vous que je dois mes derniers jours de repos, de bien-être. C'est vous qui m'avez montré que tout n'était pas méchant et perfide sur terre. C'est votre bon cœur, votre générosité, qui ont adouci mes suprêmes souffrances. J'ai contracté envers vous une dette de reconnaissance dont je ne pourrais m'acquitter que de là-haut. « Madame, dit Robert, je vous en prie, un peu de courage. » « Conservez encore de l'espoir. »« Non, docteur, votre science a pu prolonger mes misérables jours, mais cette dernière méchanceté des hommes en a précipité le terme. » Elle pleura. « Ma fille, ma Riri, ma jolie Rirette, en prison comme une voleuse, en prison, je ne la verrai pas avant de mourir. » Robert lui dit, « Pardon, madame, vous aurez cette joie de revoir bientôt votre fille, de l'embrasser, car elle va vous être rendue sous peu. « Dans quelques instants, peut-être. Comment cela ? Mon frère Raoul est avocat. Je viens de lui envoyer un télégramme. Il va prendre la défense de votre fille, faire le nécessaire, et vous reverrez Riri. » À ce moment, l'avocat et l'ouvrier dégourdi parurent. « Voici mon frère !» s'écria Robert. « Eh bien, et Riri ?» Raoul vit qu'il devait mentir. « Libre. C'est une erreur de personne. Son innocence est reconnue. Elle va arriver d'un moment à l'autre. » Une dernière formalité à remplir, et elle sera ici. » La malade lui tendit les mains. « Merci, monsieur. Merci à vous aussi, comme à votre frère. C'est par vous que j'aurai goûté ma dernière joie. » Madame Ménardier, cependant, parut s'affaiblir de minute en minute. Malgré les soins de Robert, la vie ne voulait pas demeurer dans ce corps usé. il tardait vraiment à cette âme de quitter cette prison où elle avait tant souffert. Madame Ménardier tomba dans une nouvelle syncope dont Robert eut bien du mal à la tirer. Plus faiblement, presque à voix basse, elle demanda « Ririella ?»« Pas encore, mère, mais elle ne peut tarder. »« Oh, je ne la verrai plus, je ne la verrai plus !»« Maman, ma chère maman !» La mourante dit alors « Vous êtes là, docteur ? Vous êtes là aussi, monsieur l'avocat ?»« Oui, madame, nous sommes auprès de vous. »« Bien. Oh, je ne veux pas partir en emportant mon secret. »« Docteur Robert aussi, écoutez. »« Monsieur l'avocat, vous ferez le nécessaire. »« Pour mes enfants. » Pour mes orphelines. » Elle reprit. Mon mari était un homme d'honneur, un travailleur, un loyal. Il avait amassé une fortune et possédait une grande usine avec un de ses amis d'enfance comme associé. Il avait mis toute sa confiance dans cet homme, donné sa signature et déposé son argent dans sa banque. Or, cet homme était un voleur, un bandit. Mon mari, ruiné, voulut sauver au moins le pain de sa famille. Il alla trouver son ancien ami. Et messieurs, on me rapporta le soir le corps de mon mari tué d'un coup de revolver. Que s'était-il passé? S'était-il suicidé chez le banquier? Son ami l'avait-il assassiné? Bref, j'étais veuve et mes pauvres petites vouées à la misère, dont nous ne sommes jamais sortis. La malade se fatiguait en parlant. Sa voix baissait de plus en plus. Robert et Raoul se penchaient sur le lit tout près. « Madame, dirent les deux frères. « La réparation sera faite. L'argent sera rendu. Vos enfants ?» Raoul et Robert ne purent achever. Comme si la terre se fût ouverte sous eux, ils s'écroulèrent, ils tombèrent à genoux, et leur front s'appuya sur le lit de la mourante. « C'est, dit Madame Ménardier, c'est le banquier Montreuil. Montreuil, l'usurier. Montreuil dont le nom veut dire vol, infamie, mort. Que le banquier Montreuil soit maudit !» Ce fut la dernière lueur de vie de la mourante. Elle retomba sur ses oreillers et, plus faiblement, d'une voix lointaine, elle dit « Mais je vous bénis, Robert, Raoul, je vous bénis. Je vous confie mes enfants, à vous, grand cœur, nobles âmes. Je vous confie ma pauvre Marie et ma jolie Rirette. Riri, à vous. Merci, Robert. Raoul, je vous bénis. » Elle voulut lever les mains, mais elle parvint seulement à les poser sur la tête inclinée des deux frères agenouillés et sanglotants. « Robert, Raoul, Marie, Riri, mes enfants, je vous bénis. » Elle expira doucement, et sa figure eut un sourire de confiance et de bonheur enfin conquis. L'ouvrier qui était entré en premier avec son camarade s'approcha de la morte. « Reposez en paix, madame, » dit-il gravement. « Les orphelines, vos enfants, ne sont plus seuls au monde. » Il ferma les yeux de la morte et doucement toucha l'épaule de Robert et de Raoul. « Venez, messieurs, venez !» Les deux jeunes gens se levèrent douloureusement et suivirent l'ouvrier dans la chambre voisine dont la porte fut fermée soigneusement. « Messieurs, dit l'ouvrier, remettez-vous. Votre douleur peut vous trahir. »« Ah, mon ami, si vous saviez !»« Je sais, maître Raoul Montreuil, je sais, docteur Montreuil. » Les deux frères sursautèrent. « Quoi? Vous saviez ?»« Oui, mais je suis le seul ici à savoir. Rassurez-vous, personne n'a entendu prononcer votre nom. La mourante parlait trop bas. Vous seul pouviez comprendre. Mais Marie, depuis un grand moment, elle est évanouie. Elle n'a rien entendu, ne sait rien. Donc, vous, les fils du banquier Montreuil, connaissez seul le secret que gardait cette malheureuse femme. Nous connaissons aussi notre devoir. » Raoul demanda à l'ouvrier, « Mais qui êtes-vous donc? Comment êtes-vous ici? Je suis venu sans penser assister à ce drame navrant. Je suis ici pour réparer une injustice, sauver une innocente et rechercher le moyen d'atteindre un coupable adroit et fort pour combattre Zigomard. » L'ouvrier alors dit aux deux frères, « Sur votre honneur, ne me trahissez pas. » Il souleva sa perruque et se montra. « Paulin Broquet !» s'écrièrent les deux frères, et cordialement, ils serrèrent la main du détective. « Maintenant, messieurs, que nous avons chacun notre tâche, que nous marchons vers le même but, souhaitons-nous bon courage et confiance. L'heure de la justice doit sonner. Allons !» Ainsi s'achève « Les lions et les tigres », livre deuxième de Zigomard par Léon Sazy.